بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس العاشر 10e leçon. 10e, 9e. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب الحمد لله بعد ال لبيل تمني سنوس الدرس طيب on directement dans الدرس الرابع 4e leçon qui est les بعنوان وفاء الكلب. Titre. Et là, ça se traduirait par Wifa ou le calme, par la fidélité du chien. Car comme les koufas, les amis à dire, leur meilleur ami, c'est le chien. Tu vois, ils ont des meilleurs amis et parmi eux, il y a le chien. C'est vrai, ils s'ennuient, donc... Et en islam, le chien, il a sa place avec des chourottes. Awalen, elle n'a yakuna fil beit, il n'est pas dans la maison. Car le chien, comme un alifta, là, il y a trouvé le malaikatu beitan fi kalb osour. Que les anges ne rentrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien, où il y a une image figurée, représentation d'être humain, ou plutôt d'être doté d'âme, ça peut être des animaux, quoi. Donc le chien, il t'empêche d'avoir... Également, dans un hadith, il y a que celui qui a un chien chez lui, il perd tous les jours 2 montagnes de hasanat. Tu imagines un peu ? Celui qui a un chien, qui s'approprie un chien sans raison justifiée, dans la maison, 2 montagnes de hasanat tous les jours qui partent sur lui. Donc, que dire celui... Est-ce que tu as déjà les avoir, ces 2 montagnes, toi-même ? Alors, donc, c'est un déficit. Parce que toi, tu les as pas et ton chien... descend encore plus bas, tu vois, t'as découvert de Hassanat, comme on dirait. Tout ça pour avoir un chien chez toi. Également, le chien, c'est un animal qui est sale, marlouf, ou sirdiddan. D'ailleurs, il y a un khilaf sur lui, entre les ulama, certains qui disent que c'est une najas. Kullu, de la queue à la langue, c'est une najas, faut même pas le toucher. D'autres qui disent que c'est une najas au niveau de la salive seulement, que le reste de son corps, il est tahir. Et la preuve, c'est le hadith d'Abi Huraira, que celui dont le calme vient boit dans son récipient, qu'il le lave 7 fois. Et la 8e fois avec de la terre. Donc il voit que non, c'est juste la salive qui est de najas, par rapport à ce hadith. Parce que s'il n'était pas de najas, il n'y aurait pas besoin de faire 7 fois. Et d'autres disent que non, il est entièrement pur. Comme Ibn Bukhari, par exemple, ou quoi. Et c'est quoi la preuve? C'est que justement, celui qui chasse, qui est un chien de chasse, si jamais il arrive à atteindre sa cible, le chien l'apprend avec sa bouche et lui ramène. Donc il dit que c'était une najas, il pourrait pas le prendre dans sa bouche. Tu n'as pas mangé un truc qui a touché une najas. Tu vois. Donc le khilaf, il est assez kawi. Et les chiens permis, c'est que par exemple les chiens de berger, chiens de garde, ou les chiens pour les aveugles, des choses comme ça aussi apparemment. Ce que les ulama disent. Et par contre, ils ne rentrent pas dans la maison. Je ne sais pas, tu lui achètes, je sais pas quoi, tu le traites comme il le traite en France quand c'est ton fils. C'est un chien. Le chien, c'est un chien. Tu vois. Il reste dehors et il mange de ce que tu donnes à manger, ce que tu peux. C'est pas, tu lui achètes canigou chez lui, spécial, je ne sais pas quoi. Ça, c'est du gaspillage. du gaspillage. Quand on leur parle d'ici aux Yéménites, ils sont choqués. Qu'on leur dit comment le chien est traité en France, qu'il y a un rayon juste pour le chien, des vêtements pour chien, des jouets pour chien, parfums pour chien, concours de beauté pour chien. Ouais, il y a des parfums pour chien, après. Et tu peux le mettre ce que tu veux comme parfum, il sentira toujours mauvais. Le chien, c'est un chien. Tu le mets dans l'eau, c'est fini. L'odeur du chien ressort direct. Le chien mouillé, c'est. Tu vois ? Il y a des concours de beauté, qu'il y en a même, ils ont fait hériter leur chien de leur richesse. Non, c'était un chat. Après, j'ai vu dans un journal, une anglaise, elle avait un chat, elle a hérité une somme énorme. Il n'y a rien, un chat. Voilà, laisse le fils. Rien à faire, le chat, lui, que des millions, que ça change quoi pour lui ? Tant qu'il a une souris, deux rats, hein, c'est l'heureux, le chat. Non, il a fait hériter des millions. C'est pas dans le journal, ce truc-là. Et sans compter ceux qui font du farce avec leur chien aussi. Tu vois, les turpitudes avec les chiens, mais il y en a. Et voilà quoi. Donc le chien, non, c'est un chien, c'est un animal qui est très moufide. Mais il y a des limites. Et c'est pas comme certains ils font là, des petits moussims qui sont en France avec la mode avec des pitbulls, les rottweilers, ce genre de choses. Ah, c'est n'importe quoi ça. Tu vois, c'est-à-dire leur fierté dans leur chien. Genre tu vois le personnage à travers son chien. Si le chien est balèze et courbé, c'est que le gars il est balèze et courbé. Non, ça veut rien dire. Et il y a le chien qui est un shaitan, le noir. Noir avec deux points blancs. Celui-là, il faut le tuer. Ouais. Non, apparemment, il a deux points blancs au-dessus des yeux, de ce qui me semble du hadith. Et celui-là, il faut le tuer, c'est un chétan, tu vois. Et combien ils ont ça chez eux, des chiens tout noirs comme ça, tu vois. Ils sont en train de jouer avec lui, tu vois. Et en plus, ils donnent des noms. Aouz Bitana donne des noms exprès de muslimines à leur chien. Abdur, on m'a raconté, il y en a un, c'est comme, je sais pas comment il est son chien. Un non-muslim. Pour te dire comment ils sont. C'est-à-dire avec les chiens. Et voilà. Donc les animaux, en islam, ils ont la haq, tu vois, alhamdoulilah. Mais, comme on l'a dit, avec des limites. Non. Donc là, ce texte rapporte par rapport justement à un chien fidèle. Le problème, c'est qu'il apparaîtrait dans ce texte que le chien rentre dans la maison. Et ça, c'est mouchkil. Comment cela va apparaître. Non. La chose de kelimat al-jadida. Wafin. Wafin. Ça c'est fidèle. C'est le même sens que Wafin. Wafiyun. C'est le même sens que Wafin. C'est-à-dire fidèle. Plus en main, c'est la même. Ouais, même en main que Wafin. Sauf que c'est un autre wazn. C'est la wazn fa'il. ثم بعد ملتخون ملتخون à la base c'est comme le معنى وسخة le fait de salir ou souiller une chose mais là ils veulent dire quoi quand tu vas dans le texte ملتخون بالدم en fait il aura la bouche ensanglantée pleine de sang le chien Iftarasa yaftarisu. À la bonne, iftarasa yaftarisu, c'est se jeter sur une chose, comme un prédateur sur sa proie. Aslan, al-hayouan, al-muftaris, c'est le prédateur. D'accord ? Al-muftaris, qui est le ism fa'il d'iftarasa, c'est un prédateur. Harasa yakhlusu, ma'alouf. N'est-ce pas? Faire la garde. Nadima Yandamo, regretter. Soamit, c'est être silencieux, être muet. Ne plus parler. Zat Yomin, ce serait un jour. Comme ça. تقول مثلا حصل هذا ذات يومين ستعرضي un jour quelconque فقد سوابة فقد سيبيتر وسوابة لا سخي la raison فقد سوابة il a perdu la raison c'est فقد c'est فقد genre ف après قد non c'est un verbe فقد الحمد لله هديك وصل حبالك فقد ثوابه يفقد على المدارع تقدم نحو أو نحو يتقدم نحو s'avancer vers en direction de s'avancer vers ou en direction de الثعبان un serpent ثعبان un serpent بشر معنى سرور la joie réjouissance ahwa yuhwi là c'est affaisser une chose ça va venir affaisser une chose là ça va être affaisser la hache comme cela va venir dans le texte inchallah khata'un là c'est une faute une erreur mais à la base khata ça s'emploie pour une erreur involontaire ou volontaire aussi eh bien, vraiment la volontaire c'est zalla zalla c'est vraiment une erreur involontaire ça peut être une grosse faute mais involontaire eh bien, khata ça peut être les deux faute volontaire zalla Zalla, c'est involontaire. Ah, c'est involontaire. Zalla. À la base, Zalla, c'est glisser, déraper. C'est une fois t'entends un foulain, un cheikh et foulani, Zalla de Kadamou, fi Kadiat Kada wa Kada. Que son pied a glissé dans telle affaire, c'est-à-dire qu'en fait, il a pas eu raison, tu vois. Oui, c'est un chiat de lui, tu vois, c'est pas un truc qu'il a fait exprès, volontairement. Ça peut être les deux. Zuhila yuzhalu. C'est marna être perturbé, être troublé, être choqué. Bien que choqué, c'est plus t'en sens d'ama, mais quand tu dis zuhiltu, c'est genre oh j'ai été. Ça m'a choqué, ça m'a perturbé. Mana dohisha. T'as une forte émotion quoi en fait qui te fait. Ouais. Une forte émotion qui te fait qui te rend perplexe, tu vois. Qui te rend qui te bloque. T'en parles même plus. Je sais pas c'est quoi le mot en français bidop, t'es dans un mot adéquat, moi je l'ai pas en tête. Taïeb. Mumazakun, là c'est déchiqueté. Dans le sens. C'est quoi le verbe ça? Mazzaqa. Mazzaqa. Non. طيب. الآن سيكون النص غير مرتب. الجمل غير مرتبة. فعليك أن ترتبها. حتى يكون النص طيب بمعنى الصحيح يقول رتب الجمل الآتية ترتيبا صحيحا لتكون منها قصة donc là tu dois remettre les phrases dans l'ordre afin de remettre l'histoire dans son contexte هل قد فعلت أم لم تفعله طيب سنفعل معا فقال الجملة الأولى كان عند رجل كلب وفي qu'un homme avait un chien fidèle. الجملة الثانية ولكن الرجل أبصر فم الكلب ملتخا بالدم وبالدماء وظن أن الكلب قد افترس ولده. Que dit cependant l'homme a vu la bouche du chien ensanglantée, hein, ملتخا بالدم, c'est-à-dire souillé, salie par du sang. Donc on dirait sa volonté, nous. Et il a pensé que le chien avait attaqué son enfant. الجملة الثالثة وذهب الرجل إلى الفراش أو إلى فراش ابنه صامتا حزينا. Donc l'homme se rendit vers le lit de son fils, silencieux et triste. رابعا وذات يوم غادر رجل بيته وترك كلبه يحرس ولده الصغير. Et qu'un jour, l'homme s'en alla, quitta sa demeure et laissa le chien surveiller son petit enfant. Et son enfant en bas âge. خامسا ونادما على قتل كلبه البريء الذي دافع عن ولده وجنبه أذى الثعبان. Il regretta d'avoir tué le chien innocent qui avait défendu son fils et qui l'avait éloigné des dommages qu'aurait pu lui causer le serpent. سادسا ولما عاد قابله الكلب بفرح وبشر وبشرين. Enfin, lorsqu'il rentra, il revint, le chien l'accueilla avec joie. T'as vu, avec joie, on dirait quoi. سابعا فرفع الفأس وأهواها على رأسك على رأسي وقتله بضربة واحدة. Alors il leva la hache et l'affaissa sur sa tête et le tua d'un seul coup. ثامنا فلما راه يلعب ويضحك أدرك خطأه. Et lorsqu'il le vit en train de jouer et en train de rigoler, il comprit son erreur. تاسعا فدوهل الرجل وفقد ثوابه وتقدم نحو الكلب. L'homme en fut perturbé, il en perdu la raison et se dirigea, s'avança vers le chien. عاشرا وابصر بجوار سريره ثعبانا ضخما ممزقا. Et il vit auprès du lit de l'enfant un gros serpent déchiqueté. Non. Donc maintenant, il faut remettre ces phrases dans l'ordre pour arriver à en faire l'histoire. فَأَمَسَا كُلَّكْ مُبَاشَرَ أَوَلًا الْجُمْلَ الْأُولَى يَا الْأُولَى. La première, c'est la première. Que l'homme avait un chien fidèle. كَنَا عَنْدَا رَجُلِنْ كَلْبُنْ وَفِيُّنْ. Ça, celle-là a sa place. Athania, c'est la quatrième. La deuxième, c'est la quatrième. قال وذات يوم غادر الرجل بيته وترك كلبه يحرس ولده الصغير. Et qu'un jour, il s'en alla de la maison et laissa le chien surveiller son enfant. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est la sixième. Tu l'as trouvé ? Non, ce que j'ai fait en même temps, vite fait. À peu près. Ah, d'accord. T'as trouvé ça aussi ? Ouais, j'avais mis ça. فقال ولما عاد قابله الكلب بفرح وبشر وبشر. Lorsqu'il revint, c'est-à-dire cet homme-là, le chien l'accueilla avec joie. رابعا, c'est la deuxième. La quatrième, c'est la deuxième. Il dit ولكن الرجل أبصر فم الكلب ملتخا بالدماء وظن أن الكلب قد افترس ولده. Cependant, lorsque l'homme vit la bouche du chien ensanglantée, il pensa que le chien avait attaqué son enfant. Donc là, il y a un khilaf dans la phrase qui va venir après. C'est où ? Ou c'est la septième, ou c'est la neuvième. Et je pense que c'est la neuvième. C'est la neuvième. Quand il dit فَذُوهِلَ الرَّجُلُ وَفَقَدَ سَوَابَ وَتَقَدَّمَ نَحْوَ الْكَلْبِ. Donc l'homme en fut perturbé et perdu la raison et s'approcha du chien. C'est la neuvième. Car la neuvième, là, tu verras à la fin du texte, on peut aussi la réutiliser ailleurs. Dernier peut être utilisable dans deux contextes. Les deux, le sens est correct. ثم ثلاثتهم فرفع الفأس وأهواها على رأس على رأسه وقتله بضربة واحدة. Donc il leva la hache et il a fait ça sur la tête, et le tua d'un seul coup. Passer à la cinquième. Qui prend la... c'est la septième phrase du texte qui prend la cinquième phrase, ou plutôt qui prend la sixième place dans, le texte. طيب ثم وذهب الرجل إلى فراش ابنه صامتا حزينا. La troisième qui est le prononce de la place de la septième. Il dit donc l'homme se dirigea vers le lit de son fils silencieux et triste. Il parle du père. Ouais. ثم la huitième place et la dixième phrase. قال وأبصر بجوال سريره ثعبانا دخمن ممزقا. Et il l'aperçut près de son lit un gros serpent déchiqueté. Ensuite, la huitième place, ou plutôt la neuvième place, va être prise par la huitième phrase du texte. فَلَمَّا رَاهُ يَلْعَبُ وَيَضْحَكُ أَدْرَكَ خَطَأَهُ. Lorsqu'il le vit en train de jouer, c'est-à-dire l'enfant, et rire, il a compris son erreur. Il a compris son erreur. Donc là, c'est là qu'il y a un khilaf, que là, la neuvième, on peut la remettre ici aussi. Parce qu'il dit فَذُوْهِلَا الرَّجُلُ وَفَقَدَ سَوَابَ وَتَقَدَّمَ نَحْوَا كَلْبٍ. Là aussi, on peut le dire. Qu'en fait, il en fut... il en fut perturbé, et il a perdu la raison, et se dirigea vers le chien. Après qu'il a compris son erreur, qu'est-ce qui se passe? Il est perturbé parce qu'il a tué le chien. Donc ça le perturbe, tu vois, et après il se rapproche vers le chien. Mais moi je pense que c'est la première version qui est plus proche. Mais là aussi tu peux le mettre, ça change pas le sens. Tu vois ce que ça veut dire? Mais la première qu'on a dit nous, je crois qu'elle est plus proche du Sawab. Parce que là quand on dit Taqaddama nahwa al-kalb, on sait pas qu'il est mort. Mm-hmm. S'il avait dit Taqaddama nahwa jussat al-kalb, il s'est rapproché de la dépouille du chien à l'âme. Mais là, c'est pas précisé. Donc je pense que ça, la neuvième, elle vient plus comme on a dit au début. Ou à la dernière, c'est la cinquième phrase. Il dit وَنَادِمَا عَلَى قَتْلِ كَلْبِهِ الْبَرِيءِ الَّذِي دَافَعَ عَنْ وَلَدِهِ وَجَنَّبَهُ أَذَى الثَّعْبَانِ. Et il regretta d'avoir tué le chien qui était innocent, ce même chien qui a défendu son fils des dommages qu'a pu lui causer le serpent. Voilà. Donc là, tu as l'ordre. Et cela s'appelle une bavure. Comme tu le sais. طيب. ثم سنخوض التدريبات والأسئلة. يقول أجيب عن الأسئلة الآتية. لماذا ترك رجل الكلب يحرس ابنه؟ Tu les as fait déjà? Non, c'est pas. Je rappelle. Ah, pas du tout. Tout ce qui parlait derrière. Ouais. Taïeb. Comme j'étais parti sur le feu. Taïeb, ben, juste sur mon cri, on lit les énoncés et demain. Ouais, les questions, ouais, comme ça. Tu vas pour demain, Inch'Allah. Donc il dit pourquoi est-ce que l'homme a laissé le chien garder son fils. Fanien, لماذا فقد الرجل ثوابا عندما رأى الكلب. Pourquoi est-ce que l'homme a perdu? Ben voilà. Cette question prouve que la phrase 9 prend bien, se place au début et pas à la fin. Ah, ça c'est la hujja, c'est le dalil. Non. Donc là il n'y a plus de khilaf. Limaza faqada rajul sawaba indama ra al-kalb. Pourquoi est-ce que l'homme a perdu la raison lorsqu'il a vu le chien? ثالثا لماذا ظهرت الدماء على فم الكلب. Pourquoi est-ce que le sang est apparu sur la bouche du chien? رابعا كان الكلب مسرورا فكيف عرفت ذلك. Que le chien était heureux. Comment tu sais cela? Facile. Qui sait? Le chien était content de voir son maître. Comment tu le sais? C'est marouf. Comment tu sais? C'est quoi la halaba? Il remue sa queue. Il remue sa queue, il se tendit dans tous les sens. Khamisan. Hazina rajulu wa samata fama sabab husnihi wa samtihi. Que l'homme s'est tu. Donc que fut la cause de son silence et de sa tristesse? Salisan. Bimaza tasif amal al-rajul. Comment décrirais-tu l'acte de l'homme? Sabi'an, uzkur unwanan min indika li hadhihi al-qissah. Cite, c'est-à-dire toi, trouve un titre de toi-même à cette histoire. Tamam. Je pense que le Sani, on peut le faire ensemble. Yaqul imla الفراغ بما يلي بوضع كلمات المنا الكلمات المناسبات من الكلمات التالية. Donc pose les mots, les mots qui sont là, là, tu les mets dans leur place dans les phrases qui vont suivre. أولا الوفي fidèle, يحرس garder, تقدم s'avancer, نحو en direction de, ملتخاتون là dans le sens ensanglanté. À la base ملتخ c'est sali de quelque chose, souillé de quelque chose, mais là ils veulent avec le sang. فقد سوابه, il a perdu la raison. ثعبانا, un serpent. أهواها, un nid affaissé. البشر, la joie. طيب نخوض الجملة الأولى والجملة الأولى. كان الفلاح لا تلتخو المزلعة عندما ذهب إليه رجل ومعه أسرته لقضاء. Ça, non, vaut mieux faire, parce qu'en fait, c'est une histoire entière. C'est pas des phrases. C'est pas des phrases séparées. Mais on va lire ensemble pour que tu connaisses les mots. T'as même ? Bakou l'a dit, Tadribat, Dakoun fil Beit. Donc, le paysan. Ah, là, t'as un trou. Le champ. Indama zaba ili rajul wa ma'ousratu li qada ba'd al waqt fi al tanazzo. Lorsque l'homme. Lorsqu'un homme, on va dire, se rendit à lui avec sa famille pour passer un peu de temps en promenade. L'iqada ba'd al-waqt, c'est passer du temps. Fil tanazzuh, c'est promenade. Tanazzuh, c'est une promenade. Taraka ar-rajulu tiflahu yajri wa yal'ab. Donc l'homme laissa son fils, ou plutôt son enfant, courir et jouer. Wabarde Khalil, et peu après, là t'as un trou. At-tiflu, là t'as un trou. Abi, Wayadahu, t'as un trou. Bizeit, avec l'huile. Hamala ar-rajulu tiflahu wa asla'a bihi liyarsila lahu yada. Donc l'homme porta l'enfant et se dépêcha pour lui laver la main. Walakinnahu, cependant, trou, t'as un trou. Indama ra'a, lorsqu'il vit, après t'as un trou. Yataharrak amamahu, qu'il bouge devant lui. Fanada al-fallah, t'as un trou. Donc là, le paysan appela, là t'as un trou. Fa'asra'a ilayhi bi'asahu wa. Et se précipita vers lui avec un bâton et là t'as un trou. Ala thurban faqatalahu wa ada. Donc sur le serpent et le tua. Wa ada, là c'est se retourner vers ou reprendre une chose. Là t'as un trou. Al farah il al jamia. La joie chez tout le monde. فهم؟ فهم؟ تمام. التدريب الثالث أكمل الجملة أو الجمل التالية كما في النموذج. complete les phrases suivantes comme dans l'exemple. النموذج عندك الرجل الكلب. عندك كلمتان الرجل والكلب. تقول لما عاد الرجل قابله الكلب بفرح وسرور. Tu dis, lorsque l'homme, après que l'homme soit revenu, le chien l'accueillit avec joie. Enfin, toi tu vas faire pareil avec les phrases suivantes. Al-Um wal-Abna'u. ولما عادت عادت الأم قابل قابله قابل قابلها الأبناء قابلها ابنه بفرح والسرور. نعم. Lorsque la mère revint, après que la mère soit revenue, les enfants l'accueillirent avec joie, plaisir. المسافر أسرته. ولما عاد المسافر قابل قابلته أسرته بفرح وسرور. Lorsque, après que le voyageur soit revenu, sa famille l'accueillit avec joie. الحاج جيرانه. ولما عاد حج قابله قابلوه. لا. جيران. قابله جيرانه. C'est quoi le Jiran, c'est pas moi. Hein? Jiran, c'est les voisins. Non, c'est le pauvre. Taïe. Si tu dis Kabalou vous Jiran, c'est quoi l'irlab du waouh? Kabalou. Ah, c'est Fa'al. Et Jiran, ça va être quoi son irlab? Ah, il vient ma faute. Hein? Il vient ma faute. Qu'est-ce que ma faute? Qui c'est qui l'accueille? C'est le Jiran. Ah, comme ça, comment ça se mafoule? Ah ouais. Son fa'il. Ouais. Donc t'as deux fa'il maintenant. Ouais. Tu peux pas. Donc tu dis qabalahu et Jiran. Là, c'est jumla fa'liya. Tamam. Le jumla fa'liya, elle fait là. Elle fait, elle est mufrada. Tu peux même? Non. Qabalahu Jiranuhu bifarah wa surur. Al-ibn al-ab. Wa lamma aada عاد الابن قابله الاب بفرح وسرور. الصديق صديقه. ولما عاد الصديق قابلته قابلت كوته صديقه. صديقه. C'est pas un tabac pour toi. Attention, et t'entends ce que tu es en train de dire là? Tu réalises le sens de ta phrase? Qu'il a une copine? Hey! Attention! Lorsque l'ami revint, son ami l'accueilla avec joie. Qabla sadiqhu. Qabla sadiqhu. Bi farah wa surur. Al-akh akhuh. ولما عاد الأخ قابله بفرح وسرور. قابله من؟ أخوه. أخوه. طيب التدريب الرابع. شو لا؟ فلاح في عطاوي المناج كمودي. يقول تخير قصة وقعت بين رجل وصديقه على النحو ما حدث بين الرجل وكلبه الوفي. واستعين بالأسئلة الآتية على ترتيب أحاديث هذه القصة وأحداث هذه القصة. Donc il dit, invente, imagine une histoire entre un homme et son ami, comme l'exemple qui s'est passé entre l'homme et le chien, fidèle. Et sers-toi des questions suivantes pour l'ordre des événements de cette histoire. Là, ils vont te donner des questions. Et par ces questions-là, tu vas pouvoir faire un ordre chronologique de ton histoire. تمام يقول اولا اين حدثت هذه القصه او سي برودوي cette histoire ماذا طلب الرجل من صديقه qu'est-ce que l'homme a voulu de son ami ماذا فعل الصديق qu'est-ce que l'ami a fait هل بقي الرجل مع صديقه est-ce que l'homme est resté avec son ami الى اين ذهب الرجل où est parti l'homme ماذا حدث بعد ان ذهب que s'est-il passé après son départ après qu'il soit parti. كيف تصرف الصديق؟ Comment l'ami s'est-il comporté? صرف se comporté. Quelle attitude a-t-il adopté? متى عاد الرجل إلى صديقه؟ Quand est-ce que l'homme est revenu vers son ami? ماذا فعل بعد أن عاد؟ Qu'est-ce qu'il a fait après être revenu? وبما شعر الصديق بعد عودة صديقه؟ et qu'a ressenti l'ami après le retour de son ami. Sha'ara, c'est ressentir. Et le khamis, c'est la même chose que le rabi, tu ne prends pas la tête. Là, en fait, tu écris une histoire, te basant sur ces questions-là. D'accord ? Et le khamis, c'est la même chose. ثم يقول التدريب السادس سيزيام ضع ما يأتي في جمل من إنشائك place le mot suivant dans les phrases que tu vas inventer toi-même nadima regretté sans méthode silencieux mais ذهل perturbé ومزق déchiqueté افترس attaqué ذات يوم un jour, taqaddama nahwa, se diriger vers, s'avancer vers, yuhui, affaissé, khata, erreur. Nahwi, c'est aller vers. Non. Wa kazalik, tadrib, al-sabir, yakul istardim ma bayn al-kousayn, fi takwin, erreur. Taïb, donc, donc tu dois mettre ce qui est entre parenthèses pour former des phrases de ta propre imagination. Yaqul Fariha indama. Tu fais une phrase avec Fariha indama, qui était content lorsque. Zuhila hinama, qui fut choqué lorsque. Hinama indama, c'est le même sens. Mais il y a un fork avec lamma indama wa hinama. Indama, c'est au moment de l'action. Quand tu as fait ceci, ou lorsque tu as fait cela. Wahinama, c'est le même sens. Amma lamma, lamma, c'est après que. D'accord ? Ça se traduirait plus par après que. Ça pourrait avoir le sens de... Lamma, c'est plus après que. وكلها ظروف سيدي ظرف زمان إذا أخطأ ندم سيدي ستخوم يغكت تمام مفهوم فعل هنا والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج أفاق وانكم